fois moi dans cette langue. Moi te rappelle pour demi-fois moi te rentre la rayon. Dès que moi la vie dépose mon sac, vie de mon usan et ça va. Ça t'est mon rêve, un jour me chante, je chante pour sentir un petit cigare. L'a toujours été mon destin, exprime-moi moi dans cette langue. Moi te rappelle pour demi-fois moi te rentre la rayon. Dès que moi la vie dépose mon sac, vie de mon usan et ça va. Allons de moi, allons, nana volcan ici. Si vous payez les frais, ça va montagne. Nana bassin bleu, allons, la bassin d'âne. Nana la plage, soleil, quoi, la bassin gile. Allons de moi, allons, allons ma patte là-bas. Au salassi, silence, pour repos à vous. Midi, allons, mami, deux, écoute, c'est gars, malouya. Ça m'y connaît les autres, du chaud, allez, de la liberté. La rayon est toujours la même. Lélélélé, la rayon est là. Vous dérayonnez à nous mettre le fait. Lélélélé, la rayon est là. La rayon est toujours la même. Lélélélé, la rayon est là. Vous dérayonnez à nous mettre le fait. La rayon est toujours la même.